Donc, aujourd'hui, troisième dimanche de Pâques, de la résurrection, on entend la troisième manifestation. Le texte dit, c'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. C'est un épisode très beau, très touchant. Donc, c'est la fin de l'évangile de Jean, juste pour le mettre en contexte, cet épisode. Et juste avant, c'est étonnant parce qu'il y a comme déjà eu une conclusion à l'évangile de Jean. Et beaucoup d'exégètes croient que ce texte-là est un ajout posthume de Jean lui-même ou d'un de ses disciples pour compléter en fait ce récit des apparitions qui était déjà commencé, mais pour bien souligner, c'est vrai, il est ressuscité vraiment avec son corps et sa chair, et dans les Actes des apôtres, Pierre dira même, on a mangé avec lui, mangé et bu, et probablement qu'il fait référence à cet épisode où Jésus, sur le bord du lac, a fait un feu, préparer des poissons sur la braise et manger avec ses disciples. En méditant sur cet épisode-là, je me suis posé une question m'est venue. Est-ce qu'on croyez-vous ou non, à la vie après la mort? Est-ce qu'on croit vraiment, en fait, qu'après une mort, que ce soit la mort physique, par exemple, hier soir, ma tante, malheureusement, est décédée de mon village. Donc, est-ce que je crois à une vie après la mort physique ou la vie après d'autres morts quotidiennes? Parce que vous savez, comme moi, il y a des fois des choses difficiles qu'on vit qui ressemblent un peu à une mort, c'est-à-dire qu'il y a une perte de quelque chose de précieux que j'espérais, par exemple, je sais pas, un échec à un examen, peut-être la perte d'un emploi, peut-être un échec amoureux, qu'importe. Est-ce que je crois qu'il y a une vie après cette mort? Mon plan A de bonheur, c'était ceci. Mais ça n'a pas marché. Est-ce que je crois qu'il y a un plan B de bonheur possible, et que même peut-être ce plan B est meilleur que mon plan A? Est-ce que je crois qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une résurrection possible dans mes échecs? Ici, les gars, donc Pierre, Jacques, Nathanaël, les autres, sont partis à la pêche. Je pense qu'il y en a ici qui aiment la pêche. On connaît au moins un là qui aime la pêche. Quand on va à la pêche, on aime ça attraper du poisson, d'habitude. Les vrais pêcheurs aiment ça attraper du poisson. Imaginez une nuit sans rien prendre. C'est terrible. C'est terrible de partir à la pêche pour quelqu'un qui aime vraiment la pêche, de ne rien attraper. Et puis là, la question humiliante du gars sur le bord. « Hey les gars, ça a-tu mordu? Avez-vous du poisson? » Non. La réponse est plutôt courte. Ils n'ont pas l'air très enclins à vouloir discourir beaucoup sur leur échec de pêche. Ce bon gars sur le bord dit « Lancez donc les filets à droite, à côté du bateau. » Ils le font et oups, les filets sont pleins à craquer. Et là, ding, ding, ding. Ça fait écho à un autre événement semblable, où Jésus était parti avec la barque de Pierre, et il y avait encore Jacques et Jean, et ils avaient encore une fois pêché toute la nuit sans rien prendre. Jésus leur dit, allez, allons au large, jetez les filets. Et puis, encore une fois, les filets s'étaient remplis. Donc Jean se souvient de cet événement-là. Et lorsque, à nouveau, les filets sont pleins, après une nuit de pêche bredouille, il reconnaît, il dit, c'est le Seigneur. C'est celui qui avait fait le même miracle il y a quelques années, il y a 3 ans. Et finalement, ils arrivent au bord, Pierre se jette à l'eau, va vers ce Jésus. Et finalement, déjà là, ce Père, vous savez, c'est quoi la signature de Jésus? La signature de Jésus, c'est justement la résurrection. La signature de sa présence dans nos vies, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a de la vie, lorsqu'il n'y avait plus d'espérance de vie. Et même dans cette petite histoire de pêche, eh bien, il y a la signature de Jésus. Il n'y avait plus d'espoir d'en attraper du poisson. C'était l'heure de rentrer. Et puis, oups, le bateau, tout à coup, est plein. Signature Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui nous remet debout alors qu'il n'y a plus d'espérance. Mais, évidemment, Jésus a mieux à faire que juste faire des bonnes pêches aux gars qui aiment bien la pêche. Ensuite, il prend une conversation avec Pierre. Pierre, vous savez, c'est ce bon gars, pêcheur, qui avait dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, je suis un pauvre pêcheur. » Jésus avait dit, « Non, non, je ne m'éloigne pas de toi, t'inquiète pas, je ferai de toi le pêcheur d'hommes. » Puis à un moment donné, il lui a même dit, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église, et les portes de l'enfer prévaudront pas contre elle. » Mais ce Pierre-là, tout fier, avait fait des belles promesses à Jésus, il avait dit, « Jamais je vais te lâcher. » Mais ce pauvre Pierre, par 3 fois, a juré ne pas connaître Jésus, son ami, son maître, qu'il connaissait, qu'il aimait même, mais il n'a pas eu la force de tenir. Par 3 fois, pas juste 1 fois, 3 fois. Et ce Pierre a pleuré amèrement sa faute, son péché, la blessure qu'il avait mise dans son amitié avec Jésus. Et il a dû se dire, c'est foutu, c'est fini là. C'est fini, c'est clair, Jésus m'avait dit, viens, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, c'est fini tout ça. Je l'ai renié 3 fois, je ne vaux plus rien là, c'est clair. Et puis on ne parle même pas de mener son troupeau là, imagine. Je l'ai renié 3 fois, c'est clair qu'il ne me confiera plus jamais rien. Eh bien, le ressuscité vient à la rencontre de ce même Pierre et lui repose par 3 fois la question, « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre lui dit, « Tu sais tout, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. » Pierre, m'aimes-tu? « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. » Pierre, m'aimes-tu? Par 3 fois, il lui demande, mais par 3 fois, le plus étonnant, qu'est-ce qui se passe? Il lui confie à nouveau la charge pastorale. Paie mes brebis. Je te reconfirme, Pierre, dans ta mission, même si tu m'as lâché 3 fois, moi, par 3 fois, je te dis, relève-toi et continue. J'ai encore confiance en toi. Ce soir, le Seigneur veut nous dire la même chose. Il nous pose la question, il me la pose à moi, Alexandre, m'aimes-tu? Vas-y, lève-toi, paie mes brebis. Peu importe nos chutes, nos péchés, nos échecs, il nous dit, relève-toi, moi je crois qu'il y a un plan B possible et peut-être même que ce plan B est plus grand que ton plan A, parce que dans ce plan B, tu as peut-être plus besoin de ma miséricorde. Or, le message que tu as annoncé au monde, c'est précisément celui de la miséricorde de Dieu. Donc, relève-toi sans crainte. Va et va annoncer aux autres cette bonne nouvelle. Il y a un nouveau chemin possible, une suite, même après l'échec. Évidemment, la suite est peut-être différente de celle que tu avais pensée au départ dans un chemin beau et parfait. Mais quand même, cette suite est un chemin de bonheur, est un chemin d'amour et de don de soi. Je ne sais pas si certains étaient là à la soirée resplendie à laquelle on est allé c'est la semaine passée, je crois bien, oui. Donc, avec le band Ad Extra. Et il y avait Pierre Racicot, un autre Pierre. Donc, c'est intéressant, le bonhomme qui a fait un témoignage, le monsieur, c'est un gars qui a fait des hold-up à Montréal. Il n'a pas fait juste un, il en a fait plusieurs, des vols à main armée. Il s'est fait attraper plusieurs fois en plus. Il a fait de la prison plusieurs fois. Et dès qu'il sortait de prison, il disait, j'avais juste le goût d'aller refaire un hold-up parce que pour moi, c'était ça la vie, c'était de l'aventure, c'était du challenge, de l'adrénaline. Puis il s'est dit, le jour où je vais vraiment me faire attraper, qu'il n'y aura pas de possibilité de retour, là, je vais juste me suicider, ça va être fini, on va arrêter cela. Eh bien, est arrivé un moment où ça arrivait au cul-de-sac et il s'est dit, bon, ben c'est le temps, je me suicide. Mais juste avant de poser l'acte, il a senti d'être envahi un peu d'amour, entre autres pour sa conjointe, son enfant. Il demandait au Seigneur, si tu existes, prends-en soin. Puis là, tout à coup, il était envahi d'une grande amour, émotion bizarre. Il s'est dit, bon, c'est pas le temps de devenir émotif là, juste avant de se suicider, donc let's go. Clou. Et là, il s'est réveillé, ça n'a pas marché en fait. Son tentative de suicide n'a pas marché. Il y a eu une vie après son échec, double échec. Je me suis fait attraper puis j'ai même pas réussi à me suicider. Bon. Ensuite, il ressort de prison, refait des hold-up, se refait attraper. En fait, il avait pris en otage des gens et il traînait, il disait avec lui, des seringues avec des doses mortelles de médicaments, advenant le cas de s'il se ferait coincer comme une souris dans le coin, mais il disait, ils m'auront pas vivant, je vais juste m'enlever la vie, puis il était avec son pote. Donc, il a dit, bon, j'ai mes doses, je te laisse, mais t'inquiète pas, je prends le blâme beaucoup sur moi, je me souviens plus trop du détail, là, mais bref, ça prenait deux doses, donc il a eu le temps d'en faire une. Ça a pris un peu de temps avant qu'il mette la deuxième, et hop, il se réveille 4 jours après à l'hôpital. Zut! Il y a une vie encore après ma deuxième tentative. Et là, zut de zut, là je vais faire la prison pour longtemps. Y a-t-il une vie après ces échecs? Eh bien, il disait qu'il était dans le pénitencier et que finalement, un de ses amis, je passe des bouts là parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais un des autres prisonniers, il disait, ah, il y a un groupe de prière à la prison. Si tu veux venir, tu pourrais venir. Puis il avait tendance à rire un petit peu extérieurement de ces affaires-là. Mais le gars lui a dit, tu sais, on va prier Jésus qui a donné sa vie pour toi. Jésus qui a donné sa vie pour toi. Et quand il a entendu cette parole-là, à nouveau, il a été envahi de cette même amour et paix qu'il avait goûté les 2 fois juste avant qu'il tente de se suicider. Et il a dit, là, je l'ai reconnu. C'est le Seigneur, il est vivant. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à aller à ce petit groupe de prière, à louer le Seigneur dans la prison, si bien que il a compris à ce moment-là qu'il ne serait plus un bandit. Je ne ferai plus d'hold-up, c'est fini. Maintenant, j'ai trouvé un sens. J'ai compris qu'il y a Dieu, qu'il y a de l'amour. Il faut que j'arrête ce que je fais. Et finalement, il est sorti de prison quelques années après et il n'a plus fait d'hold-up, c'était fini. Et maintenant, eh bien, il va à la messe à Montréal. Il vient faire un témoignage à Québec ou l'autre. Il est impliqué. Et il a goûté à cette vie après la mort. Oui, la vie après la mort existe. Pour autant qu'on laisse Jésus, le ressuscité, entrer dans notre vie. Seigneur, ce soir, augmente ma foi dans cette vie après la mort. Sans toi, il semble y avoir des cul-de-sac qui sont des vrais cul-de-sac où il n'y a plus d'espoir. Mais toi, Jésus, si tu prends l'initiative de venir me rencontrer dans mon échec, dans mon cul-de-sac, dans ma maladie, dans mon péché, qui pourra t'en empêcher? Tu es le maître de la vie. Oui, Seigneur, ce soir, je te redis, j'ai confiance en toi. En toi, j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu.